des illusions et puis des certitudes. Et comme au casino, j'ai tout perdu d'un coup. Le rouge au lieu du noir, le mauvais numéro, le quart d'heure du chanceux et tout à coup le trou. Lorsque j'étais enfant, j'étais admiratif. On me croyait idiot parce qu'inoffensif. C'est comme au casino, de paix, c'est rien du tout. Mais ça ramasse un pot et beaucoup de jaloux. Et puis j'ai joué l'amour, un jeu épouvantable. J'ai misé sur toujours et banco sur la table. Mais comme au casino, la boule va où elle veut. Le tapis était vert, elle avait les yeux bleus. À n'importe quel âge, la gloire est un problème. On le résout toujours en brûlant ce qu'on aime. C'est comme au casino, on joue la martingale. Et puis sort le zéro et le rideau final. Et puis sort le zéro et le rideau final.